père est un homme bon, avec de vraies valeurs. Il travailla toute sa vie sans compter ses heures, même si parfois c'était au détriment de son bonheur. Il ne se plaignait jamais si grand était son cœur. Il était toujours prêt à aider son prochain, malgré le fait que l'on avait de faibles moyens. Il a le cœur sur la main et ne remet rien à demain. C'est grâce à lui que j'ai écrit mon propre destin. Mon père est un exemple de force et de courage. Mais comme tous les papas, les années passent, il prend de l'âge. Et devant les problèmes, il ne prend jamais le large. Il m'a éduqué afin que je sois un enfant sage. Je me souviens gamin quand il jouait avec moi, comme pourrait jouer un fils avec son gentil papa. Cela me comblait de joie, et ça à chaque fois. J'ai voulu réussir ma vie pour qu'il soit fier de moi. Quand il avait des soucis, même quand pour finir le mois c'était difficile. En plus adolescent, je n'étais pas des plus dociles. J'en ai fait des conneries, je l'ai parfois déçu. Il me disait toujours je t'avais prévenu. Il m'a tout pardonné, et moi si j'avais su, je n'en aurais rien fait, même s'il ne m'en a pas voulu. De la vie, car la mort viendra te chercher quand elle en aura envie. J'aurais aimé qu'il se trompe au moins cette fois-ci. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre la maladie. Je me sens inutile de ne pas pouvoir l'aider. Ce cancer de musique.